Y a-t-il quelqu'un qui m'entend? Y a-t-il quelqu'un qui m'écoute encore? Je sais pas. Ça fait beaucoup de chansons là. C'est vrai que je comprendrais si les gens décrochent un peu. Ça fait quand même beaucoup d'albums. Alors je sais pas trop si quelqu'un m'entend là. À vrai dire, je suis dans un puits. Je suis tombé dans un puits là, tout seul. Donc, bah, ça fait 2 mois que je suis dans le puits là. Donc, je m'ennuie un peu, hein, je vous cache pas. Bon. Alors, même si personne m'écoute, je vais raconter ma vie un peu, hein. En tout cas, voilà. Ben, quand j'étais en couple avec Marion, j'avais oublié que j'étais un loser. Mais la réalité revient au galop. C'est vrai que il y a une dame âgée ce soir qui m'a dit qu'elle rentrait dans son bled pour dormir après le restaurant. Elle rentrait à 10 minutes. C'était à 10 minutes de Metz. Elle prenait la voiture pour rentrer à la campagne et dormir chez elle. Alors moi, ça me fait rêver la campagne. Je connais bien, je sais ce que c'est que de rentrer après une soirée dans sa maison à la campagne. J'avais fait ça en rentrant chez Maude, à Ars-sur-Moselle. Et aussi chez Mathieu, à Lupy, j'imagine. Mais moi, ça me fait rêver aussi, ça fait un petit peu chambre d'hôte comme ça. Quitter la ville pour aller dormir quelque part à la campagne. Mais moi, je ne peux pas parce que j'ai pas le permis. Ça me rappelle une chanson que je chantais déjà en 2009, il y a 11 ans. Moi aussi, je veux une voiture. Moi aussi, je veux conduire. Moi aussi, je veux le permis. 11 ans après, mon Tony, tu te rends compte que tu ne peux pas déménager à la campagne parce que tu n'as toujours pas le permis. Pourquoi? Parce que tu t'es pas bougé le cul. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 11 ans? Mais ça fait 2 ans que j'ai de l'argent en plus. J'aurais pu le passer, ce permis. Mais je suis un petit peu loser socialement. Et bien sûr, quand tu sors avec une avocate, tu as tendance à l'oublier. Elle te conduit où tu veux, tu pars en voyage. Si tu veux aller à la campagne, tu peux y aller. Tu peux aller dans n'importe quel hôtel. Tu fais ce que tu veux. Et je ne parle même pas de l'appartement, hein, du logement. Oh là là. Avec elle, je vivais dans un 70 mètres carrés. Là, actuellement, nous sommes le 5 septembre 2020. Je dois quitter mon appartement en 1er octobre. Et je n'ai pas trouvé d'appartement. Parce que je suis intermittent du spectacle. Je ne sais pas où je vais loger dans 3 semaines. C'est assez angoissant. Même quand on est au fond d'un puits, on y pense un petit peu quand même. Alors qu'avec elle, on se serait installé dans un 100 mètres carrés. Et on aurait fait un enfant. Mais là, comme ça, au fond d'un puits, on y pense quand même. Alors maintenant, il faut supporter la solitude, cette nouvelle loose sociale, mais surtout la solitude, la solitude, la solitude qui me pèse tant. Ça faisait 4 ans que je n'avais pas été célibataire. 2 ans Clémentine, 2 ans Marion. 4 ans. Me voilà nouveau célibataire. Retour à la case départ. La solitude. Certains me disent que c'est mieux que je sois seul avec moi-même pour que je réapprenne à me construire et que pour aimer quelqu'un, il faut d'abord s'aimer soi-même. D'accord, mais comment expliquer que ces gens-là rentrent tous avec une fille à la fin de la soirée? Mon chat me regarde quand je raconte mes conneries là. Pichoun, arrête de me fixer comme ça, c'est angoissant. Non mais c'est vrai ça. Je remarque que tous ceux qui me disent que je dois me reconstruire et que la solitude est quelque chose de formidable, car oui, c'est ce qu'on me dit, la solitude, il n'y a rien de plus formidable. Tous ces gens-là sont en couple et rentrent accompagnés. Tiens. Y a-t-il quelqu'un qui m'écoute encore? Y a-t-il quelqu'un qui m'entend? Bah écoutez, je vais essayer de remonter du puits maintenant. C'est la seule solution. Déjà parce que j'en ai marre que ça résonne. Et aussi parce que... Parce que je suis tout seul. Voilà. Je vais essayer de grimper du haut du puits et d'en sortir. Bon. Peut-être que dans l'album suivant, j'irai mieux. J'espère. On verra. Soit j'arrive à sortir du puits et je vous dis au revoir, ou soit je n'arrive pas et dans ce cas-là, je vous dis adieu. Je ne sais pas. Au revoir ou adieu.